Allemand. Ha, tu m'en veux. Viens voir, viens voir. Oh, dis-moi, gros. Ouais, je... Voilà. Le rap, c'était pareil avant. Ouais, ou... ils sont tous devenus bizarres maintenant, gros. Quand j'y repense à l'époque, y'avait pas de pute dans les clips. Ça rappait qu'avec les tripes, ça lâchait ce qu'il y a dans le cœur. Ça donnait jamais son cul, maintenant je vois que des suceurs. Zama c'est bon, ils sont populaires et j'arrête de ne plus leur. M'en s'en bat les coups de ta race, c'est pas ces gens qui ralassent. Les sapes, les courses, le loyer, c'est pas pour eux la vie de voyou. C'est pas pour eux la vie de quartier, parce qu'ils seront niqués chez nous. Ils ont le nez dans un CC, plus imagine un vécu. C'est quoi la cité pour eux, tous les clichés sont nourris. Ils connaissent pas la douleur, mais nous nos cœurs sont pourris. Force ça roule un pétard, ça tasse avec la souris. Je remets mon seum à plus tard, je m'endors avec le sourire. Et désormais moi je ne me soucie plus d'eux. Parfois je me vois très loin d'eux. Je vois dans leur regard qu'ils sont lâchés tous deux. Mais au final tout ça ce n'est qu'un jeu. Et désormais moi je ne me soucie plus d'eux. Parfois je me vois très loin d'eux. Je vois dans leur regard qu'ils sont lâchés tous deux. Mais au final tout ça ce n'est qu'un jeu. Y'a tous ces acteurs qui sourient quand ils sont devant, mais qui voudraient le bénéfice de mes bains. Et je ne ressens plus les frissons comme avant. Mais je suis resté un vrai bonhomme. Perso moi j'ai pas changé. Moi je suis pas devenu bizarre. En showcase à la cité. Moi j'ai toujours le même visage. J'ai pas trahi mes amis. Toujours le même style d'habit. Je côtoie toujours les mêmes bras qui pourront te niquer ta vie. Moi je représente tous les miens comme personne l'a jamais fait. Mon cœur il bat très fort pour eux frérot. J'en prends l'AVC. C'est tout rouge dans ma rétine. Donc personne peut m'arrêter. Dans la fumée de la résine. Mon cerveau peut s'apaiser. Ici y a plus de bisous. Que des jeunes désabusés. Qui matent des matchs de zizou. Dans des wagons pleins de buts. Tout le monde veut prendre son billet pour s'en aller au doublé. Ça vole des crosses et comme les filles finissent souvent débridées. Et désormais moi je ne me soucie plus d'eux. Parfois je me vois très loin d'eux. Je vois dans leur regard qu'ils sont lâchés douteux. Mais au final tout ça ce n'est qu'un jeu. Et désormais moi je ne me soucie plus d'eux. Parfois je me vois très loin d'eux. Je vois dans leur regard qu'ils sont lâchés douteux. Mais au final tout ça ce n'est qu'un jeu. Y'a tous ces acteurs qui sourient quand ils sont devant, mais qui voudraient le bénéfice de mes vents. Et je ne ressens plus les frissons comme avant. Mais je suis resté un vrai bonhomme comme avant. Et désormais moi je ne me soucie plus d'eux. Parfois je me vois très loin d'eux. Je vois dans leurs regards qu'ils sont lâchés de deux. Mais au final tout ça ce n'est qu'un jeu. Je ne ressens plus les frissons comme avant, mais je suis resté un vrai bonhomme comme avant.